manger plus de patates avant mon émission, ça me relaxe. Puis là, attention. Attention, on décroche le micro, puisque le vendredi 13 janvier 2017, monte le volume, mais hume la différence, c'est parti! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Eh oui. Mais là, avant l'émission, c'est pas avant, c'est nous sommes en pleine émission. On va se relaxer, là. Ça fait des années qu'on fait cette émission-là. Faut prendre ça relax. Alors, je vais terminer ici mon eau minérale, pas de glace. Discutez entre vous. Puis on va s'infiltrer comme ça dans le discours narratif et dans une émission des plus surchargées. Puis faites-vous en pas, Raymond! On va commencer à décharger dans quel parcours? Dans quel cours? Tout le monde ne tient pas. Les gens ne tiennent pas à voir le camion rempli. On sait même pas si c'est rempli de quoi, mais on n'en veut pas dans notre cours. Dit-il en déposant son verre. Les gens veulent pas, sans savoir pourquoi, sans savoir c'est quoi surtout, veulent pas. Alors, moi dans ma cour, mois de janvier, regarde-moi la face, j'ai l'air d'un giglou. Aïe, non. Ah non, pas de... Moi, c'est... Les nouveaux pensionnaires? Ah non! Une nouvelle institution! Pas dans ma cour! On veut pas ce genre d'affaire dans ma cour. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi ce genre de magasin-là? C'est pas... Ouais? OK. C'est des malades. Faut pas avoir de malades chez nous, moi, regarde. Mais j'ai déjà ma femme qui est fragile de la feuille. À l'automne, je sais pas si elle aussi va s'envoler. OK. Bon. Ah, pas du... Ah, c'est... Il souffre de... Ah, ben, pas de problème, Renault. Nous autres, on est prêts avec Reynald, là. Un Renault de plus, c'est pas Fernand. Connaissez-vous Fernand? Fernand Renault! L'humoriste! Un des humoristes drôles, là, de notre paysage humoristique. Parce que lorsqu'on... On fait la nomenclature des gens qui se déclarent moi, ma profession, humoriste. Mais moi, je fais de l'humorisme politique. Je parle de Marc Crozy. Je parle de celui qui est mort, là. Celui-là, l'Arafat. C'est la carte de concert. Baisse-moi ça, attends. Un, deux. Ah, c'est moins pire, là. Hey, c'est-tu strident? C'est-tu tes dents, ce mec? Ben voyons! Ils t'ont pas enlevé le... Ni en haut, ni en... C'était véritable... Ben, bravo! Je me souviens, moi, dans les années 50, les femmes se faisaient arracher les dents, même si les... elles avaient des belles dents. On les arrachait, on mettait un beau dentier en haut, en bas. Les maris cherchaient ça, là. Moi, je veux pas de problème, moi, je marie une femme. Pas marier des dents, là, de mon côté, ouais, mais bon, moi, il est venu, il dit, coupez-moi ça, ouais, en haut, en bas, arraché, moi, là, en plus, c'est fait pour avoir des enfants, là. Ah, il n'y a pas longtemps. Elle ne travaillait pas. Elle devait être soumise, comme le bon pain. Elle devait jamais lever le ton devant son mari. Tu devras respecter ton mari. Même si c'est un gnochon, il y en a-tu du gnochon au Québec, même partout dans le monde, mais je sais pas, on dirait qu'ils ont centralisé le gnochon barbu. Coureur des bois, coureur de jupons, quand ça court, c'est le gnochon. Hein? Ah oui, Forest Gnochon, cours, ah oui! Cours après l'ignorance, puis fais-toi-en pas, tu te rattraperas pas, là. Y a rien qui va courir devant toi, là. Eh, monsieur, ça court après tout ce qui bouge. Un genre de lapin. Un lapin sauteur. Non, non, c'est un lapin rata... voyons donc, comment tu l'appelles? Un lapin raveur. Lapin raveur. Là, tout le monde essaie de comprendre un lapin raveur, c'est quoi? C'est une nouvelle catégorie d'animaux? Il y en a assez de même! Complique-nous pas l'existence, là! Il y a le lapin. Il y a le lièvre. Puis laisse-moi te dire que quand je vais courir un lapin ou un lièvre, je sais pas la différence entre les deux, moi. Là. C'est à deux oreilles bien tendues. Le museau fonctionne à 300 000 à l'heure. Là, les pattes sont prêtes à bondir pour se sauver. Se sauver de l'ennemi. L'ennemi, il est là, l'ennemi. L'ennemi, il est là. Pierre Flynn. Donc, non, mais je dis ma source, là. Pour si on doit donner des dividendes aux artistes québécois et pour qu'au moins ils aient quelques sous pour s'acheter un petit café. Pas de crème, pas de sucre, juste un petit café pour les réveiller puis écrire encore davantage de belles chansons québécoises pour nous donner une fierté. Pour pouvoir se raccrocher. C'est bien de se raccrocher à des créateurs. On se raccroche pas à des menteurs, Mme Thibodeau, là. Pas de politiciens là-dedans, là. Je peux te dire, là, madame, là. Je peux te dire, madame. Madame, puis-je vous te... Est-ce que je peux te vous voyer, madame? Madame, que le temps est sombre, madame. Vous l'avez-vous vu vous-même, madame? Faudrait que je prenne les paroles de la chanson de Léo Tard. C'est sublime. Sublime, sublime. Alors, madame, est-ce que je peux te vous voyer? Ben, c'est beaucoup. Mais, te vois. En plus, je me demande pourquoi je dois te vous voyer. J'ai rien à te dire. Mais. Moi, je suis. Exactement, j'ai été élevé sur une ferme. Puis plus tard dans ma vie, je suis retrouvé en ville. Puis ma femme me rappelait que je venais de la ferme. Elle me dit Ah ouais, la ferme. Et je dis, ouais, c'est ça, je viens de là, puis là, je pleurais tout le temps. Je suis un émotif, moi. Puis ma femme n'aime pas ça, les hommes émotifs. Ce qu'elle veut, elle, là, c'est le grognon grincheux, frappeur. Un frappeur, pas de réverbère, là, mais un frappeur, là, tu sais. Uppercut, droite, uppercut. En fait, presque un boxeur, mais qui se boxe pas sur elle. qui boxe la vieille. Ah, oui, oui, madame, j'ai trouvé le fil arrière. En arrière, tous. Je postillonne, je tousserai, vous serez atteint de ma liquidité. Liquidité, t'as-tu de la liquidité, man? Comment? T'as-tu de la liquidité? Voyons donc, toi! T'es comme un hamster, tu tournes trop vite. T'as-tu de la liquidité? Ben, la liquidité, j'ai 28 cents, là. T'as encore des cents noirs? Ben, hey. Comment ça, encore? J'ai toujours eu et j'aurai toujours des cents noirs. La scène noire, mon champion, ça représente un moment précis historique du Québec. Jeter sa scène noire, c'est jeter son passé. Aujourd'hui, les enfants là, qui n'ont pas connu la scène noire, quand je leur en montre, hey, c'est un nouveau chocolat sur papa. Mais non. Grand-papa, c'est un chocolat. Mais non. C'est une scène noire. Une belle scène noire. C'est noir, ma noire. C'est merveilleux, c'est beau! C'est beau! C'est beau! La scène noire, c'est beau! Hey, ça, c'est l'éloge de la scène noire. Pendant quelques secondes, hein? On l'a oublié! Dans le fond du bas! Il me semble que j'ai la grosse orteille qui refuse de pointer. Le mot orteille, c'est dégueulasse. Orteil. Il faut que je vous parle un peu de ça. Le pire. Puis ça, j'aime pas ça, là. J'aime pas ça, là. Tu viens d'où, toi, là? Non. C'est de dire que c'est la vérité. Il y a une dame. Ça commence. En soir, aux dames, au Pérou, en gagne, oui, madame, je l'ai perdu. J'ai cherché partout un cœur aussi doux, mais je n'en ai point trouvé. Les filles sont belles, mais je m'ennuie d'elles, je ne peux pas l'oublier. J'ai cherché partout un cœur aussi doux, mais je n'en ai point trouvé. Les filles sont belles, mais je m'ennuie d'elles, je l'ai dit, hein, je ne peux pas l'oublier. Je ne verse plus. Ouh. Oh, Johnny. Je ne verse plus. Toutes les larmes du monde. Ouh. Voyons. Je ne verse plus. Voyons. Toutes les larmes du monde. On l'a. Je ne verse plus. Ouh. Ouh. Toutes les larmes du monde. Car elle chante ma chanson. Pou, pou, pou, pou. Je ne verse plus toutes les larmes du monde. Car elle chante ma chanson. La. Il y a une dame. Je dirais une dame. On paraît où on gagne, mais moi, madame, je l'ai perdu en jouant. Non, je ne l'ai pas perdu parce que je ne veux pas l'avoir. Je ne veux pas l'avoir. Écoutez, ça représente malheureusement une couche de la société. C'est une couche que je ne veux pas changer, moi. C'est une couche que je sens déjà ce que ça va sentir, moi. Alors, je vois l'évidence même dans cette couche de société qui m'intéresse tellement peu que je vais vous en dévoiler à peine une partie. Il y a une dame qui me raconte « Ah, je me suis fait faire les ongles. » Ah oui, ben, je sais pas pourquoi toutes les... c'est quand même grave de dire ça. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ben voyons donc, moi je suis pas moche, mais je me fais travailler les ongles. » Travailler, ouais, ouais. En tout cas, il y a des gens... Non, on va oublier ce modèle-là, mais là, parce que je sais ce que ça va devenir. Puis je ne veux pas recevoir de courriel à renalquebec@commercial.com désobligeant. Bon. Alors, vous voyez la pause, hein? Ça veut dire que la censure vient de passer dans mon cerveau. C'est bien ça. Au moins, il y a quelque chose qui passe. Et ça passe ou ça passe pas. Vraiment, passes-tu, toi, là? Et lui, il a engraissé pendant 2 semaines, ça n'a pas de bon sens. Imaginez-vous, moi, vous racontez un peu. Ah, OK, l'histoire de la dame avant Raymond. OK. La dame, elle s'est refait faire les ongles. Eh bien, elle se fait faire des ongles régulièrement. Et puis, donc, elle me dit ah, ben celle qui me manicure, là, qui travaille sur ma manucure, fait aussi les orteux. J'ai dit les orteux. Elle fait les ongles et les orteux. Ils ont donc, c'est une sorte d'ongles que je connais pas, moi. C'est quoi les orteux? C'est des ongles qui sortent pas souvent? Non, non, les orteux. Les pieds, les orteux. C'est pas des orteux, c'est des orteils. Mais non, c'est en tout cas les orteux. Elle fait aussi les orteux. Cette même femme-là m'a dit. Il y a quelques semaines, c'est ça qui est épouvantable. Je vais monter le son. On monte le son. Elle m'arrive avec... Elle dit, oh, moi, je vais faire jouer de la musique de Noël. Parce que j'embarque dans son véhicule pour à peu près 45 secondes, histoire qu'elle me jette comme un vieux sac à ordures à l'arrêt d'autobus pour pas que je fasse un transfert. Donc, pendant 10 minutes, je peux écouter de la musique et faire autre chose que je ne vous dirai pas. Et puis donc, elle me dit, il y a quelques semaines, il n'y a pas si longtemps, l'année dernière, et de la lundi, parce qu'on nous captons d'autres ondes. Nous étions vendredi. Bon, quand nous sommes vendredi, ben le lundi, ben c'est comme une autre semaine, là. Chez nous, comme partout ailleurs. Donc, elle me dit... Les gens veulent savoir qu'est-ce qu'elle dit, voyons, dis-le, qu'est-ce que dit, woman, dis-le. On va le dire, calme-toi. Ça va faire de la sonorité étrange. Puis Mme Thibaudot n'aime pas ça, baisser sa radio. Elle doit se lever, puis elle fait de la rétention d'urine. Bon, pendant ce temps-là, ça dégoûte un peu, puis elle doit laver son plancher pendant la nuit, puis elle dit, c'est une bonne émission, mais ça me fait pisser sur le banc. Fait que ça, c'est une autre histoire aussi. Fait que, elle me demande, elle me dit, lundi prochain, je vais placer un disque. Non, pas placer. Elle dit, je vais faire jouer un disque de Noël. Je me suis dit, j'ai placé plein de trucs kitsch. J'ai dit, quoi, Fernand Gignac chante Noël? René Simard chante Noël? Elle dit, non, c'est. Comment ils s'appellent eux autres? Non. J'ai dit, oh. Elle dit, ah oui, la Compagnie Créole. Pendant 10 jours. J'ai entendu de la musique de Noël de la Compagnie Créole. La Compagnie Créole. Là, je lui ai mentionné une blague véridique. Ils sont venus à Québec, au Grand Théâtre de Québec, il y a quelques années, au mois de juillet. Et lors de leur rappel, leur dernier rappel, ils ont chanté « Noël, joyeux Noël, et à l'année prochaine! » Là, j'ai dit, au moins là-dedans, il y a peut-être une sorte d'humour qu'eux autres n'ont pas capté ou 95% des spectateurs n'ont pas capté parce que c'est des amateurs de la compagnie créole. Ça doit, il doit faire allusion au Noël du campeur, c'est le 25 juillet. Ah, pas compris. Elle m'a jeté comme un sac à ordures. Elle dit, va-t'en, flip, flop, fly. Je ne veux plus rien savoir. Flip, flop, fly. Je veux trop rien la soirée. Alors, et puis là, pour venir à Montréal, pendant la période, hein, t'as-tu suivi, toi, là, hein? Pardon, faut arrêter de dire, hein, faut dire pardon. T'as-tu suivi, toi, pardon? Pardon, quoi? Qu'est-ce que t'as à te... Ah, t'as une faute à dévoiler au peuple entier? À ton dentier... Hey, en parlant de peuple entier, j'avais mangé cette semaine un steak de... Moi, je suis un végétarien qui aime le steak. Donc, mais un espèce de steak, là, tu sais, il te regarde, il a l'air à vouloir te menacer. C'est moi qui te mange ou c'est toi qui me mange? Je dis, ben, moi, j'aime ça des combats de même. Là. C'est toi ou c'est moi? Mais là, il était déjà mort, là, tu sais, c'était une tranche. Fait que, mais je me suis dit, j'espère que la tranche ne gagnera pas. Quoique, quand j'essaie de faire un nœud dans un sac à vidange, c'est le sac qui gagne tout le temps. Je me retrouve dans un sarcophage plastique. Je me prépare pour le grand jour. Moi, là, je pense que ça fait quoi? 50 cercueils qui me referment dessus. Qui m'envoient dans la chenoute, dans les poubelles gigantesques que l'on appelle contre. Il doit avoir un nom en français. Des casiers métalliques. C'est beau, casier métallique. Là, les jeunes vont se dire, « Ouais, man, casier métallique, c'est long à dire, man. » Il faut dire Cosman pour casier métallique. Cosman. J'aime pas ça. Casier métallique, je préfère. Disons que je veux me rendre au bout de la phrase, au bout du mot, même si ça prend 4 secondes de plus. Je sais que 4 secondes sur Internet, là, quand tu fais entrer sur ton clavier, parce que moi, j'ai un clavier francophone. Je suis québécois. C'est pas si tu vas avoir pas capable de le dire en anglais, moi. Ils m'ont programmé pour être un francophone dyslexique intellectuel avec des anomalies passagères, mais très régulières. Hein? Régulière. Mais non, passagère régulière. Passager régulier. Extra léger, s'il vous plaît. Pas trop de boucan. Faites-moi tousser, mais mourir rapidement. La cigarette fino. Ben, hey, à part de ça, les enfants, ça va bien? J'espère qu'ils répondront pas à son couche à cette heure-là, là. Minuit 23. Puis le public est en alerte, là. L'oreille est dressée. C'est bien, ça. Ils captent, là, comme les satellites. Hein, on est dans un monde de satellites. Puis il y a des gens qui ont reçu. Ah, tu veux savoir Raymond, l'histoire de Raymond? Ben oui, Raymond, ça fait 2 semaines, là. Il s'est comme. On va continuer sur Raymond, ça me dérange pas, moi. Ben oui. Prenez ça calmement. C'est une bonne émission, je vous le dis, là, ça coule de source. La source est polluée? Ben, ça arrive. Comme des bonnes familles. Dans les bonnes familles, tout est pollué. Hey, le chalet à Gaétan. Il y avait des poissons rouges à un moment donné qui flottaient sous l'eau. 2 semaines après, ils flottaient sur l'eau, la bédaine en l'air. Je disais, hey, ils se font griller. Ils sont quand même assez, hein? C'est des coquines. Hein? Elle dit, non, c'est des coquins. C'est des requins? Ah non, les coquins. Oui, il n'y a pas de sorte de poisson qui s'appelle coquin. Moi, j'ai aucune formation en poissonnerie. En possession de poissonnerie. J'ai été en possession d'innocence pendant toute ma vie, mais le poissonnerie, quoi qu'il y en a une, il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit hey, vas-tu à la pêche souvent, toi? Il dit non, jamais. Il dit, ah, D'où vient cette odeur? Cette odeur? Cette odeur? An odeur? Non, non, cette odeur. Odeur. Autre? Non, pas odeur. Odeur. Là, je te mêlé, moi, là. Odeur, odeur, odeur. Ouh! L'art de se complexifier la cérébrale branlante. De plus en plus, là, dans les années qui suivront, ça branlera plus, ça va tomber. Parce qu'à force de branler, ça tombe. Oh, oui, mon œil, oui. Je sais. Ben oui. Il y en a plein qui sont au courant de cette force physique. C'est pas physique, c'est électrique. Hey, on l'aime celle-là, hein? On l'a pas fait jouer, mais on la chante souvent. Sinon, mon Raymond, il y a pas si longtemps. Puisque... Nous sommes le 13, donc ça fait presque... Excuse-moi, quand j'ai fait le 13, j'ai comme embrassé le micro. Pas embrassé, mais mangé le micro. Ce serait peut-être intéressant, là, lors d'une prochaine rencontre avec une jeune fille, là, ne pas l'embrasser, mais comme manger sa bouche. Ça doit pas... Ça s'appelle un French kiss. Mais non, c'est un jeu de langue, là. Comme Wayne Gretzky avec un... Il y avait un jeu de palette, lui. Il y avait la palette branlante. Et ouais, et le but! Personne voyait la rondelle, le gourdin, le girondin. Ça tournait de partout. Gretzky s'en allait, mon ami, le 99, malade, incroyablement zélé. D'Edmonton. Il parle de hockey, il rentrait dans le gym, man. Saint-Onis, 89.1, ça parle de hockey. Ah oui! Le pointage! Mais non, il parle de Gretzky. Ouais, il joue plus ce gars-là. Ben, c'est un nostalgique. Respect aux nostalgiques, man. Respect. Bon, en parlant de respect, mon Raymond, il y a quelques semaines, on l'a comme mis à l'épreuve. Tu sais, on savait qu'il y avait la galoche ballottante. Mais là, on s'en est rassuré. Puisque on lui a fait préparer un punch. Pour des invités, ses amis et nos amis, mais plus les siens, tu sais, des gens bizarres, là, tu sais. Bizarre, plus bizarre que ça, là, tu t'appelles Rénal Gagné, là. Mais il était pas tellement si bizarre que ça, parce que Rénal Gagné, lui, on peut pas trop en parler, là. C'est un cas, là. C'est un cas lourd, un collant, un colleux, un collant, un collant. C'est un collant. Un autocollant. Ah, lui, c'est un autocollant. Il se colle plus, lui, il glisse. Il glisse dans l'absurde. Il glisse, là. Il glisse sur les mots. Il glisse sur l'humour. Il glisse. Ça glisse. Au moins, ça n'arrive jamais en bas. Ça glisse dans l'éternité. C'est beau. Avez-vous essayé, madame, de glisser dans l'éternité, vous? Glissez votre beauté dans l'éternité jusqu'à la fin des jours. Oh, que c'est bien. Oh là là là là là. Ça, là, c'est de se refaire une capacité. Attends un peu, ça s'en vient. Ça tombe bien. Non, c'est de se faire un moi et un surmoi des plus rayonnants. Avec cette vision-là, c'est bon d'avoir des visions, des schèmes qui sèment de l'imaginaire. Puis là, avec ça, je fais des gestes, fait que c'est pour ça qu'il y a eu des silences. Et dans ces silences-là, ça me rappelle ma rencontre avec Bergman il y a quelques semaines, deux semaines à peine. Non, une semaine. Une semaine, mais je l'ai eu pendant trois semaines. Il parlait, puis à un moment donné, il faisait des gestes. Puis c'était beau, parce qu'à la radio, il y avait des silences. Puis là, tu vois, moi, je voyais. Puis le public à la radio entendait et s'imaginait aussi. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson. que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais, toi qui m'aimais, toi que j'aimais, toi que j'aimais, nous vivions tous les deux. Savez-vous que, malheureusement, les frères Jacques sont vraiment morts de leur mort? Il y a un mois, le dernier vivait au Québec. Il a rendu l'âme. C'est triste, c'est triste. C'est très triste. Mais c'était... Non, c'était les frères Jacques. Pas les mémoires chantantes, pas les trois cloches. Une chanson. Une cloche sonne, sonne. Non, c'est pas celle-là, là. Les frères Jacques. Mais maintenant, comme disait mon ami, cinéma. Je sais, avant, vous voulez entendre l'histoire de Raymond. Ben, on va la faire. On va la faire. C'est que Raymond, pendant quelques semaines, on l'avait attaché au punch. Ben, pas attaché, mais on l'avait rattaché. On lui avait donné un travail. Bien sûr, récréatif. On dit, amuse-toi, là. Mon grand, amuse-toi, mon grand. Mon grand, il mesure 6 pieds 8. Hein, mais c'est plus grand que ça, là. Il se penchait devant le punch. Il pleurait. C'est, arrête, ça va diluer. Le monde ne boira pas ça, c'est un émotif. T'sais, c'est un émotif. À chaque fois qu'il disait qu'il plaçait un aliment, il dit, est-ce que ça, les gens vont-ils apprécier? C'est ça, toujours le créateur, c'est comme ça, hein? Voilà. Vous avez. Bravo. C'est un doute. Puissance X. C'est des gens qui sont toujours à la recherche du « ai-je fait la bonne chose? Ai-je réussi véritablement? Mon œuvre a-t-elle atteint le summum? » Puis il était comme ça dans son punch, là. Il dit, moi, je connais, j'ai pas de recette. Ben, on te place dans un... Écoute, t'as tout devant toi, là, hein? T'as le téléphone intelligent, t'as l'ordinateur intelligent, t'as le portable intelligent, puis t'as ta femme tellement intelligente, puis toi, aide-toi, et le ciel t'aidera. Puis là, quand j'ai dit cette phrase-là, là, il a regardé vers en haut. Puis selon lui, il a vu une recette apparaître. Dans les cieux, dans le ciel, dans le firmament. Donc, il suit à la lettre. Là. Un demi-litre d'huile essentielle. On n'a pas d'huile essentielle ici. On va remplacer ça par du citron. Ah oui. Un quart d'once de bicarbonate. On n'a pas de bicarbonate. J'avais bien des gouttes de lime, de la lime. Lime. De la lime. Vert, la faveur. Hein? À chaque fois que je fais ça, je postillonne. Fait que je vais mettre aussi de l'essence de moi-même. Oh, hein, de l'essence de moi-même. J'ai un petit envie. De l'essence de moi-même, ça risque d'être très bon. Hein? Et puis après ça, c'est quoi? Ah, du jus d'artiste. Oh, monsieur, du jus d'artiste, là. Ça risque d'être très fort en alcool. Faudrait désalcooliser. Moi, appeler mon professeur, mon chimiste. Chimiste! Ah, on n'a pas le temps de faire ça. On va l'appeler chimiste. Attends un peu, là. Attendez un petit peu. On va l'appeler chimiste. Ouais! OK, on appelle chimiste. Chimiste! Oh, chimiste! Êtes-vous tombé dans le punch? OK, là, on a comme une petite interrogation, puis on n'a pas 20 heures là-dessus, là. L'émission dure 2 heures. Vous écoutez Rance et Nadine depuis le début? Ça va bien? Allô, ça va? Bon, ça va. Je sais que le son est dans le rouge. Ça va, ouais. Êtes-vous là? Eh, monsieur. Bon, là, l'histoire veut savoir comment on fait. Est-ce que ça peut changer? OK, pour que ça change, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le tout ou si on doit diminuer la dose? On diminue la dose? Merci, monsieur. Bonne soirée. À la prochaine. Bon. Il y en a qui sont, hein? Quand on m'écoute, on ne sait pas dans quelles conditions on reçoit les appels, puis on s'excuse infiniment auprès de la hiérarchie CKRLienne. Nous sommes... Ah, il est encore là! Arrêtez-moi! Couchez-le! Mettez les menottes! Les chimistes menottés, c'est toujours mieux que les chimistes non menottés! Notez ça, madame, dans votre grand livre du savoir universel. Menottez toujours les chimistes avant de comprendre la composition de leur stratégie. Illuminés. Ah non. Ben, rarement non illuminés. Comment ça? Ben, les vendredis à minuit, c'est toujours lumineux. Oh! Ça scintille. Alors, le 13 janvier 2017. Les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mon artiste préféré. J'en ai de même, moi, des préférés. Dont Dinah Dwip. En 77, elle est une des rares filles à assister au concert des Clash au Bataclan. Elle avait 16 ans. Elle part à Londres s'acheter sa première guitare électrique, une Gibson SG Junior. Elle a la chance de voir de ses propres yeux les derniers concerts de George Clinton et de Funkadelic Parliament avec les Brides of Funkenstein. Elle a vu aussi Fred Wesley, Marqueo Parker, les Parlettes et Bootsy Collins. Une multitude d'artistes qui l'ont imprégné de musicalité jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai eu, moi, cette grande chance de rencontrer cette dame unique. La preuve. They offered me the office of a leader shop. They said I better take anything they got. Do you wanna make tea at the BBC? Do you wanna be? Do you really wanna be a cop? Career opportunity, the one that never knocked. Every job I offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never knocked. I hate the army and I hate the RAF. I don't wanna go fighting in the tropical heat. I hate the civil service boom. I won't open that bomb for you. Career opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never knocked. Never knocked. Every job they offer used to kick you out the dock. Career opportunity, the one that never knocked. Career, and I never gonna knock. Ça, voilà. La performance. Comment ça va? Très très bien. Je suis vachement heureuse. Dina. Dina, excuse-moi. Je t'en prie. Je te pardonne. Non, mais c'est parce que je veux pas massacrer ton nom. Le prénom, ça va. C'est Dina, comme oui, la dynamite. Oui, mais ton prénom. C'est Dina. Dina, oui, mais ton nom. Ah, mon nom de famille, c'est Douyeb. Douyab. Douyab. Douyab. Voilà. Douyab, qui est d'origine tunisienne. Et qu'est-ce que, est-ce que il reste quoi de la tunisienne à Paris? Ah, je sais rien. Okay. Je t'avoue franchement, je suis plus branchée sur l'Afrique du Nord que sur dans mon projet que je. Oui. North Afrobeat, justement, ça parle de tout ça. Ça parle de. Le projet que tu caresses. Ouais, j'adore le terme caresser. Ça, c'est un terme bon, canadien, ça. Non, québécois. On peut avoir de l'eau, tu crois? Oui, oui, oui, on va avoir même de l'eau, de la bière, tu décides. De l'eau, parce que juste. Oui, oui. Ouais, de l'eau. Et donc, okay. La Tunisie, qu'est-ce qu'il en reste à Paris? À Paris, il reste. Non, mais pour toi. Ah, pour moi, tu veux dire. Non, ah, pour moi, mais oui, tu d'accord. Tu es tunisienne? D'origine, je suis plus tunisienne puisque mes parents. Sont partis de la Tunisie, j'avais 4 ans. Je suis restée une culture, une partie de ma culture est tunisienne. Mes roots, mes racines, mais on a été, disons, dans un exil vers la France, comme fait partie d'un petit peu de la culture des Juifs d'Afrique du Nord, quoi, tu ouais. vois. Donc au-delà de ça, la culture tunisienne chez nous, elle était vachement forte. Okay. Et j'avais justement dans ma famille un cousin qui faisait de la musique. En arabe, qui chantait en arabe pour le président Bourguiba en l'occurrence, qui s'appelait Raoul Journeau. Et je me suis intéressée depuis. J'ai fait un retour sur mes racines à peu près musicales il y a 15-20 ans. Et je voulais produire Raoul et puis après il est mort. Et j'ai rencontré une femme extraordinaire qui s'appelle Sheikha Rabia, qui est une chanteuse de raï algérienne. Okay. Et avec qui j'ai commencé une relation musicale depuis à peu près 8 ans. Donc dans le projet toujours d'Afrique du Nord, tu vois. Donc pour moi, je vois ça de manière globale, mais la Tunisie, ça reste quelque chose de vachement présent dans mon cœur. C'est dans mes souvenirs, mais pas dans mes... Racine, bien sûr, ouais. Entre autres, ma grand-mère était italienne, tu vois, mais elle était née en Tunisie. Donc on a des racines qui sont vachement étendues. Ouvertes, exactement, ouais. Et même ta musique est ouverte. Totalement, totalement. On peut pas vraiment identifier une musique... comme ça, ma musique, en plus ça dépend avec qui je travaille, par exemple avec Sheikha Rabia, je me suis mis dans sa musique à elle, qui était pour moi une musique qui était pas, qui faisait pas partie de la culture d'origine. En Tunisie, ils sont plus branchés arabo-andalou. Le raï, c'est le blues de l'Algérie, c'est le rock and roll, le blues, le reggae dans les années 80-70. Et elle fait partie des racines un petit peu de cette musique, ouais. tu vois. Ouais. Vraiment du roots, tu vois. Puis ça ressemble à le blues, c'est des racines aussi, et c'est un peu ça. Ouais. Un peu beaucoup. Oui, exact. Mais... Voilà comment c'est l'histoire de la Tunisie, c'est surtout les parfums et la cuisine que j'ai regardé le plus fort. Avec la musique aussi, bien sûr. Mais la cuisine, c'est marrant, la gastronomie, comment c'est resté, quoi. Et surtout... La gastronomie et la musique, tu vois. Ouais, mais avec ton côté italien, ouais. c'est exceptionnel. Espagnol aussi, parce okay. qu'elle était en fait d'Espagne avant. Alors tu es une fille festive. Je sais pas, si je suis festive, je peux être aussi anti-festive. Je peux être dans le recueillement et j'ai une personnalité pas double, mais avec un... Multiple. Je dirais pas multiple, parce que je suis quand même pas dans un délire. Non, mais... C'est mais... pas multiple non, dans le sens... Sont dans plusieurs... Disons que ça dépend de mon mood, tu vois, mais j'ai un mood qui peut être extraverti et des fois introverti. Tu disais avec fierté, et c'est ce qui me paraît, en 77, j'étais une des seules filles à avoir vu les clashs. Ah, t'as vu ça? Bah, j'étais pas une des seules, mais j'étais une des rares. Okay. Qui était au premier concert, un des grands concerts des clashs, au Bataclan en 77 ou 78, je sais plus. Est-ce que c'est ça qui... Ou 79, je sais plus. Non, 77 ou 76. En 77. Je me demande même si c'est pas en 76. Ah, mais là, il faut revoir. Là. Non, 77, okay. Je sais plus, mais oh, ben, c'est la même période, de toute façon. C'est le grand concert du Bataclan, oui. Ouais. Est-ce que c'est là que le déclencheur... Est-ce que ça a déclenché en toi quelque chose de... Ça a déclenché en moi un truc de ouf, mais la musique, ça avait déjà commencé en moi à 9 ans. Mais là, en voyant qu'elle... Mais les clashs, ça a déclenché, le mouvement punk, ça a déclenché tout de suite quelque chose chez moi. Parce c'est, que c'était une... Cette énergie-là, parce qu'à l'époque, j'intellectualisais pas du tout, j'avais pas du tout d'idée, parce que j'étais incapable de formuler, tu vois, vraiment les raisons pour lesquelles j'étais intéressée par ce type de mouvement. On le voyait pas du tout comme ça, déjà. Et puis en plus, j'étais dans une inconscience extraordinaire qui a fait que j'ai pu vraiment ouvrir des portes qui étaient totalement fermées à moi, tu vois. Surtout que j'avais aucune raison, j'avais aucune aide, parce que c'était, je venais d'un milieu vachement modéré, où l'accès à la culture n'était pas dans ma culture, dans la culture d'origine, c'était plus une culture familiale et profane et religieuse, mais religieuse très. Enfin, ça faisait partie de la culture. C'était festif, on va dire plutôt. C'était rythmé par des fêtes, tu vois. Non, c'était pas l'opposé. C'était oui, enfin, c'était quelque chose d'opposé. Tu as raison, quelque chose de rebelle pour moi. Et j'étais déjà dans un stade de rébellion. J'avais déjà été virée de l'école. Je pouvais pas avoir accès parce que j'avais pas. Enfin, j'avais pas été virée de l'école, mais j'avais été. Je pouvais pas avoir. J'ai pas réussi à rentrer en lycée, donc ils pouvaient pas m'accepter. Et j'ai été dans une direction qui ne m'intéressait pas, des études, donc j'ai arrêté. Est-ce que c'est après les clashs que tu as eu ce goût-là de te procurer une guitare pour... Non, je te dis, c'est à 9 ans. J'ai commencé à 9 ans la guitare. Et par le blues, j'ai commencé. Ah non, bien avant les clashs, c'est carrément. Et tes parents te voyaient prendre l'instrument? Est-ce qu'ils étaient un peu. Ma mère pouvait pas m'acheter un piano, donc elle m'a tout de suite, elle a répondu tout de suite à mon appel. Elle m'a jamais désencouragée, au contraire, elle m'a toujours encouragée, tu vois. Et comme on n'avait pas l'argent pour payer un piano, elle m'a acheté une guitare. Mais la guitare, est-ce que ça fait peur aux parents ? Non. Non, non, non, mon père était musicien. Mon père était musicien, dans la famille il y avait des musiciens du côté de mon père. Et la musique faisait partie de la vie, mais ça ne correspondait pas pour eux à un vrai métier, parce que c'était trop dur. Ils n'imaginaient pas qu'on pouvait devenir... Parce que ça marchait que par le succès commercial. Donc, pour eux, les artistes, fallait qu'ils aient un autre métier. Et qu'est-ce que... Non, ça je pense que... Non, mais qu'est-ce que tu avais la guitare à 9 ans? Qu'est-ce que tu voulais faire? Est-ce que tu pratiquais ou si tu voulais... Je jouais de la guitare. Je jouais, j'apprenais des cours tout de suite et j'ai commencé à apprendre toutes les chansons qui me plaisaient. Et j'ai commencé avec After You've Gone de Bessie Smith. J'avais 9 ans. Et tu chantais devant tes parents? Non, pas devant mes parents. Jamais de la vie, je chantais devant mes copines, avec moi, toute seule dans ma chambre. Mais une fille qui chante et qui joue de la guitare, est-ce que c'était... Non, pas du tout. Oui, c'était... Ah, tu veux dire courant, en 1970... Ben, c'était classique. Alors, en 1970, il y en avait qui chantaient que je jouais de la guitare, mais plutôt dans le genre chanson française, tu vois. Okay. Il n'y avait pas beaucoup... Mais moi, je ne jouais pas de la guitare encore électrique, mais j'étais vachement intéressée par le blues. Et puis par le jazz et la chanson française, mais la vraie. La vraie, c'est laquelle ? C'est-à-dire la vraie belle chanson, Jeanne Moreau, Gainsbourg, Maxime Le Forestier. Il y en avait plein. Brel ? Non, j'étais pas très fan de Brel, moi. Plus fan de. Des cahiers de chansons qu'on apprenait par cœur. J'ai encore le cahier, tu vois. Des chansons que tu chantais à l'unisson. Donc, le pénitencier, je sais, moi. Les portes, moi. Oui, donc, tu vois, des classiques, mais c'est vrai que ça demandait Edith Piaf. Alors ça, Edith Piaf, ça a été la révélation. Oui, oui. Toutes les chanteuses réalistes, j'ai gardé le plus grand souvenir de la chanson française, restent ces chanteuses réalistes, qui sont extraordinaires, quoi. Qui avaient des voix extraordinaires. Moi, je veux bien un petit café. Un café vert d'eau, ce qui sent bon, je crois, le café. Oui, les cafés sont super. Avec toi, tu veux rien boire? Bah moi, je viens de boire un Perrier. Oui, je suis après. Mais tu coupes après tout quand je dis je veux boire un coup comme ça? Pas de problème. Allez, dis, tu coupes? Oh, je coupe. Tu coupes. Non, mais je laisse aller. Mais alors, écoute, excuse-moi. Ton prix. Rénal, voilà. Mais comment t'as eu vent de mon travail et tout ça? Parce que je t'ai débarqué sur Facebook comme ça. Oui, ben non. C'est marrant. Comme ça, tu fais comme ça au feeling, toi? Pas du tout. Nous avons des amis en commun, musiciens. T'as beaucoup d'amis musiciens en commun. Qui? Ben, t'as M. Péchin, Fred Péchin. Ah, Yann Péchin, bien sûr. Bon, ben que j'ai... Ah d'accord, ok. Non, mais Yann, je l'ai rencontré il y a 6 ans, il y a 3 ans, à Montréal, pour... à l'époque où il travaillait avec Bachon. Puis je l'ai revu après lorsqu'il était avec Yves-Juin. Puis j'ai rencontré aussi tes amis d'Arthur Hache. Ouais, avec tous les gens. Arthur Hache que j'ai rencontré vendredi. Donc je regarde des amis communs et j'en vois dans mes onglets et je vérifie. Et j'envoie des bouteilles à la mer. Moi ouais, j'ai vu. Et certains... C'est qu'on a travaillé ensemble, avec... Ouais. Ah ouais, d'accord, tu savais. Ouais, ouais. Mais c'est ça. C'est ça qui est marrant. Oui, mais est-ce que tu vas aller chercher un café? Oui, je vais commander un truc. Oui, j'arrive. And I wanna move the town to the class city rocker. You need a little jump of electrical sugar. Better leave town if you only wanna knock us. Nothing stand the pressure of the class city rocker. See the red they go down the escalator. Now listen to Ça y est, j'ai commandé le café. Et Yann, ce qui... Comment tu le vois, Yann, de Pêchon, qui est quand même un univers en soi, qui est un homme qui... Ben, est-ce que tu veux répondre à tes SMS? Non, pas du tout. Je veux juste au contraire le couper. OK. Voilà. Yann Pêchon... Ouais, comment je le vois? Alors Yann, je le connais par l'intermédiaire des nuits de Paris, je crois, et des amis, des fêtes. Ah non, par aussi Pierre Terrasson, j'avais complètement oublié, c'est Pierre qui me l'a présenté. Quand je travaillais avec Pierre, je faisais un peu de curating avec Pierre Terrasson, photographe, de tous les artistes rock des années 80, tout ça. Et à l'époque, voilà, il était tout le temps au vernissage, et puis on s'est branché de musique parce qu'on est musiciens, puis ça va vite entre musiciens. Ouais. Et puis très vite, je me suis branchée avec lui parce que... Merci beaucoup. Je me suis branchée avec lui parce qu'il avait joué avec Rimiti, avec Shahar Rimiti. Oui, oui. Et donc tout de suite, je savais qu'il pouvait jouer avec nous, et il pouvait rentrer dans le projet Arabia, dans le projet Chica Arabia. Et puis on s'est branchés tous les deux, puis on a les mêmes goûts musicaux, en guitare. Bon là, j'ai vachement appris le truc. Moi, je me suis remise à l'époque à la guitare. Au début, je débutais. Enfin, à cette époque, je recommençais, donc j'ai arrêté la musique pendant une dizaine d'années. Pourquoi ? Parce que je voulais faire des enfants, j'ai fait des enfants, et puis je travaillais, j'avais besoin d'une vie régulière. Tu travaillais dans un autre domaine ? Toujours dans le même domaine, non, dans la musique. Qu'est-ce que tu faisais ? La prod. Attachée de prod et assistante de prod dans la musique. De plusieurs artistes ? Non, de producteurs. Ok. De labels. Ah oui, ok. Et lesquels ? Attachée de presse et dire. Et je m'occupais de com. On s'est occupé des groupes d'acid jazz dans les années 90. À UFO, il y a eu plein de groupes du label Karine Love Group, j'ai travaillé avec Marc Zermati, avec le label Celluloid et Gibler Castro. Pour le label Mélodie et Celluloid. Tu vois très bien, non ? Oui, mais tout à fait. UFO, c'est... Ah bah UFO, c'était quelque chose, tu te souviens de ce groupe ? Ouais. Voilà, c'est nous qui avons sorti ce truc-là à l'époque. Ça a fait un grand carton d'ailleurs. Ouais. Et voilà, avec qui je suis resté en très bon contact, parce que Raphaël Sebag est toujours un grand DJ à Tokyo. Si un jour tu vas là-bas, tu pourras aller le voir de ma part, vraiment, parce que c'est un super ami. On sait jamais. On sait jamais. Et voilà, quoi. Pendant longtemps, je me suis... J'avais plus envie d'être devant. Et puis, il y avait tout ce truc de la star. Je voyais que c'était en train de changer déjà. On commençait à fabriquer des artistes. Ouais, on commençait à fabriquer plus. Alors que, pour moi, ce qu'il fallait, c'est prendre le potentiel d'un artiste, sa force, et en faire une star. C'est ça le but. Enfin, je pense en tout cas. Moi, je me suis occupée aussi pas mal d'artistes. Je me suis occupée de filles qui dansaient du double dutch qui s'appelait Ladies Night. Je me suis occupée d'un groupe de hip-hop new-yorkais qui s'appelle Get Open avec tout leur branchement avec leurs potes. Il y avait plein de groupes à l'époque de hip-hop old school, comme ça, tu vois. Bon. Et puis jusqu'au jour où j'en ai eu marre de faire. J'avais envie de faire quelque chose qui me ressemblait. Donc je suis back to my roots. Going back to my roof, I zipping up my boots. Et là, je me suis redirigée vers l'Afrique du Nord parce que en moi, j'ai ce truc de musique, de rythme et puis de mélodie. C'est un mélange de l'Orient et de l'Afrique. Mélange de l'Orient, ce que je pense que je suis aussi de l'Europe, parce que ma langue maternelle, c'est le français, ma culture est aussi en France, mais j'ai jamais oublié mes racines. Et vous avez oublié ces racines ? Non, mais jamais. Mais ton travail. Et ton travail musical s'inspire de tout ça. Et donc, c'est pas gratuit, c'est quelque chose qui était en toi, qui sommeillait, qui bouillonnait et qui n'attendait qu'à exploser. En fait, ouais, c'est venu petit à petit, ça s'est pas fait comme ça. Okay. Au fur et à mesure, je me suis remis la main dans la musique. Il a fallu que je retourne à l'école. Je suis retournée à l'école. J'ai fait une année de chant de jazz avec une prof qui s'appelle Michelle Hendrix, qui est la fille d'un grand musicien, chanteur de jazz, qui est John Hendrix. Donc là, j'ai appris les bases du jazz chant avec elle, qui était vraiment intéressante, parce que moi, je venais plutôt d'une culture funk et rock où on gueulait au micro. Ouais, bah oui. On ne chantait pas, on gueulait. L'énergie, les premiers albums que j'ai fait avec les Flambeurs, avec justement... Le producteur des Clash, du concert des Clash de l'époque, c'était Marc Zermati. Ouais. Le premier album qu'on a fait. Souvent, lui, dans les rencontres, dans les discours. Bah, à cette époque, il a eu une histoire très importante. Ouais. C'est lui le fondateur du premier festival punk en France, le festival de Mont-de-Marsan, en 76 ou 77 avec la version des Clash, puis après il y a eu justement les Clash en 77 au Bataclan. Et donc je suis retournée sur mes racines comme parce que j'estime que voilà, parce que j'avais envie de retravailler ce qui était en moi puissant. Mais il a fallu que je retourne à l'école, donc école de jazz, et puis après école de musique électronique, dans une école pour apprendre la prod, pour apprendre le métier de producteur un peu, quoi. Alors, lorsque... Ça a pris du temps, tu sais, ouais, ça. Ouais, vraiment du temps. Et après, la guitare électrique, mais reprendre des cours de guitare avec un vrai prof, quoi. J'ai repris des cours depuis 2 ans. Voilà. Mais en même temps, lorsque tu... Pour me remettre dedans, oui, parce que j'avais complètement déconnecté, j'étais que dans l'aspect business et communication. Donc j'étais plus... c'était moi qui mettais en valeur les autres. C'était moi qui faisais ressortir les stars, tu vois. Mais ce que je trouvais, c'est que là, lorsque tu travailles sur tes projets, tu vois tout autour parce que tu as une connaissance générale. Alors, en fait, ouais. Mais quand il s'agit de moi personnellement, c'est plus difficile. Ah, okay. J'y arrive un peu, mais il faut que je me coupe le cerveau en deux. Que je me dédouble de mon corps. Mais est-ce que tu laisses les autres gérer? Ah, ben j'aimerais. Oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très compliqué la manière dont tu gères les choses. Aujourd'hui, parce qu'on ne crée plus le même enthousiasme au niveau des ventes avec les ventes de disques que la. C'est terminé. Oui. Voilà, c'est plus la même culture. La culture a évolué, a changé. Et les gamins, ils consomment du YouTube. Ils consomment. Non, mais ils consomment surtout par les biais du stream. Même si c'est du MP3 ou du AIFF ou du Wave, ils ne vont pas acheter la matière, ils vont acheter du vinyle éventuellement. Ou ils vont acheter une chanson, ils n'ont pas l'album. Voilà, ils vont acheter une chanson et ils vont acheter du vinyle. Ils vont acheter une chanson quand ils savent qu'ils ne pourront pas la trouver en crack, quoi. Et ils peuvent acheter des vinyles. Les DJ qui achètent du vinyle parce qu'il y a le côté, ah ouais, le culte qui est quand même resté une industrie. Mais voilà, bon, ce qui fait que tout a évolué sur la performance, comme tu le sais, et sur le message et l'image. Donc l'image, le message, je me suis remise à travailler le message, c'est-à-dire le texte et l'instrument, la performance, avec le yoga aussi. Depuis le yoga, ça fait depuis que ma fille est née, 17 ans. Donc j'ai commencé par le yoga et du yoga, je suis passée à la musique. Donc, retourner à la musique à fond, quoi. Et le message que tu veux véhiculer lorsque tu écris, qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, il y a les messages, parce qu'il n'y a pas un message. Il y a plein de messages. C'est plein de messages qui tombent par rapport à l'improvisation de l'actualité, par rapport en réaction, des fois, à des questions, à des réflexions qui sont dans l'air. Je pense que j'essaye de rester complètement indépendante par rapport à mon opinion politique, pour ne pas rentrer dans un dogme politique, parce que je ne suis pas anti... Oui, je ne suis pas intéressée par les dogmes politiques, quels qu'ils soient. Et je veux rentrer dans aucun parti. Ça m'intéresse pas. Par contre, mes idées peuvent tout d'un coup coïncider avec certaines idées politiques, mais ça, j'y peux rien. Mais ça, j'y peux rien. Est-ce que ton message depuis le début a changé ou si tu empruntes toujours la même direction, la même... Sincèrement, quand j'ai démarré la musique, je pense pas avoir eu de message. À part le message qui était festif. Et qui était plus tourné par rapport à mes opinions, enfin mes sensations, mes émotions, pardon, plus que mes opinions. Aujourd'hui, je suis plus dans un... plus réceptive et réfléchie, voilà, ouais, tu vois. Et j'étais trop jeune pour avoir une conscience lucide de ce qui se passait autour de moi. J'avais pas encore été... J'étais pas faite encore. J'étais pas finie, quoi, tu vois. Est-ce que tu écris le texte avant la mélodie ou vice-versa? En fait, souvent je fais des musiques et après j'écris le texte. Mais le chant, en fait, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment aujourd'hui. Je suis chanteuse parce que je sais chanter, mais je suis pas chanteuse aujourd'hui. Je suis plutôt musicienne productrice, tu vois. Je passe plus de temps à faire de la musique, mais je chante aussi parce que ça fait partie de la musique. Donc quand j'écris des textes, et quand j'écris des textes, je peux les écrire sur la musique ou à part. C'est les deux. J'écris des textes sans musique aussi. Est-ce que pour toi, c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? Non, moi, c'est l'inspiration, moi. J'ai une inspiration, j'écris. Sur quoi? Sur une idée? Je me lève le matin et puis elle me vient dans la tête toute seule. Pense à un truc qui me fait rebondir sur autre chose. Et puis tout d'un coup, j'ai une poésie qui tombe. Et je l'écris parce que sinon, je m'en souviens. Pour m'en souvenir, je structure mes poésies comme ça. Et j'ai plein de poésies que j'écris sans musique. Est-ce que tu adores lire les poètes? J'adore lire. En général, j'adore lire. J'adore la science-fiction. D'ailleurs, peace and rip to Maurice Gédantec, qui était mon pote. Qui était mon pote. Je pense beaucoup à lui parce qu'il vient de mourir et que c'était un grand... Enfin, je pense à lui parce qu'il fait partie de cette culture dont je fais partie, qui était... Mais lui, ce qu'il a amené, que j'ai adoré, c'est qu'il a... Il a mélangé le cyberpunk, la science-fiction avec la narration et la littérature. C'est un visionnaire aussi. Ouais, c'est un visionnaire, vraiment. Once they had a witness, and you seem like friends. Girlfriend. Now a child has a dream, but it begins like it ends. Shot in eternity. Methadone Kitty. Iron Serenity. Keto Defender. It is heroin pity. Not tear gas, no baton jar. That's not to take it to city. Strung out committee. Walled out of the city. Cloud down from uptown. Spray pest from the nest. Run out to Barrio Town. The guards are itchy. Forced to watch at the feast. Men sweep up the night. Flipped pieces of coin. Broken bottles. Exchange for birthright. Drafted in a jiffy. Ghetto Defender. It is heroin pity. Strung out committee. Not to gas the button. Narc sitting pretty. Drafted in a jiffy. Not to gas, no button joke. Who's got me thinking to see me? The ghetto prince of Ghana poets was bounced out of the room. Done not to ramble. By the bodyguards of greed for disturbing the tomb. 1873. His words like flamethrowers. Paris Commune. Burnt the ghettos in their chests. His face painted whiter. Then he was laid to rest. Died in Marseille. Ghetto Defender. Buried in Charleville. It is heroin pity. Not to gas, no baton toe. Stop you taking the city. Shut up. Rerun invasion, death squad Salvador, Afghanistan meditation, old Chinese flu, kick junk, what else can a poor worker do? Alors, pour revenir à la poésie, je lis les poètes. Je n'ai pas de poètes, les poètes classiques français que j'aime, c'est vraiment Baudelaire, Rimbaud et le troisième, j'ai oublié son nom. Apollinaire ? Ouais, Apollinaire. Les trois. Baudelaire, Apollinaire et Rimbaud, ça a été le début d'un petit peu de ma... Léo Ferré, on l'écoutait beaucoup aussi en musique. Je l'écoutais à l'époque, dans les années 70. Mais les trois poètes ont été vachement importants. Gainsbourg aussi. Dans la manière d'écrire la musique, avec la musique et le côté jazz en français. Ouais, j'adorais. Comme Nougaro, la consonance des ouais. Mots. Ben, mais Gainsbourg, ça a été le flash, hein, après toutes les critiques qu'on peut faire à Gainsbourg. Bah oui, mais c'est la provoque aussi. Pas que la provoque. C'est la liberté. Il n'y a pas que la provoque, parce que je pense pas qu'il était toujours un but de provocation. Il réfléchissait pas, il était trop bourré là-bas. À bout d'un moment, quand tu le voyais, moi je me rappelle, j'étais une gamine. Quand on allait à l'Elysée Matignon, dans les années 80, vers 3-4 du mat, bien défoncé, et qu'il était là avec son Piper Mud Jet, il a resté hyper lucide et intelligent, mais l'alcool, à un moment, tu peux plus, tu peux dire des grosses conneries, quoi. Vraiment, c'est la drogue la plus... la plus légale, et aussi la plus... dévastatrice. Quelque part, parce que... En même temps, moi j'ai rien contre, je suis pas anti. Tu, bien sûr, c'est pas ce que je veux dire, je suis pas alcoolique quoi. Je bois pas de l'alcool tous les jours, c'est pas possible. Je suis plutôt comme Maurice. J'ai trois, j'ai la Trinité, j'ai Purple Haze, Liberty Haze, Amnesia. Purple Haze, Liberty Haze. Mais je suis pas idolâtre, je te jure. C'est bien. C'est bien aussi. C'est bien savoir, c'est bien. Lorsque tu proposes quelque chose, ou lorsque tu te retrouves devant une création, tu veux écrire quelque chose, est-ce que tu vises un public ou tu te balances tes cauchemars de... Je vise pas de public parce que j'ai quand même une autodidacte, tu vois, je suis autodidacte. Donc tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en travaillant sur moi-même et avec des profs, des intervenants, des formations. J'ai arrêté l'école très jeune. Donc quand j'ai repris mes études, j'étais très malheureuse d'avoir arrêté l'école parce que je voulais faire des études et j'étais hyper intéressée par les études. Mais comme je pouvais pas faire ce que je voulais, donc je me suis dirigée vers une voie indépendante et tout de suite, c'est la musique qui m'a dirigée vers la voie de la... vers cette voie-là, tu vois. Et au fur et à mesure, ça m'a... Et en fait, j'écris jamais dans un but. J'ai travaillé toute seule, les styles, l'écriture. J'ai pris vraiment beaucoup de cours. Quand j'ai commencé à faire mes enfants, enfin, à avoir une vie de famille, je suis retournée à fond dans les études de tout plein de choses, quoi. Est-ce que le fait d'avoir des enfants t'a coupé un peu là, de la réalité musicale? Ou si t'étais une bonne consommatrice de disques? Ou si tu t'es vraiment arrêtée? Ah non, ça m'a pas arrêté de consommer, d'acheter des disques, tout ça, non. J'étais toujours dans la musique, comme je ne pouvais pas faire autre chose, tu vois, je travaillais dans l'industrie, donc. Mais la musique, quand tu fais la vie de famille, bah, ça te coupe, oui, tu sais que c'est un truc, ouais, on ne nous l'a pas dit avant, on aurait dû nous le dire, oui, hein, oui, vraiment. Oui. Hein. Mais c'est pas viscéral, en fait, ah, il fallait que je fasse des enfants. Pourquoi ? Viscéral, je sais pas. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin, j'étais physique, j'avais un besoin physique de faire des enfants. Donc j'avais vraiment besoin de faire une famille, j'avais une force comme ça qui me dépassait, et ça s'est fait. Tu t'es épanouie dans cet univers-là ? Je me suis épanouie, on peut pas parler vraiment d'univers, ça te change ta vie carrément. Ta vie avant, elle est plus la même, t'es plus la même. Alors tu peux mettre les choses en place, tu peux relativiser lorsque tu as des enfants. Avant, tu peux partir partout, mais là, lorsque le jour où on a des enfants, on s'enracine. Le jour où on a des enfants, ben on se stabilise automatiquement. C'est ça. Puis après, on apprend à se déstabiliser, oui. Se redéstabiliser. Une fois que les enfants sont grands, là, alors là, tu peux attendre. Oui, oui, mais en plus, on est avec nos enfants jusqu'à la fin, parce que... Ouais, voilà. Bon. Donc, disons qu'il y a un passage où t'es coupé, ouais. Parce que les enfants, ça passe avant. C'est évident que je suis d'abord mère avant d'être une artiste. Hein. C'est ça qui fait la différence avec des femmes ou des hommes qui sont d'abord acteurs, artistes avant d'être papa ou maman. Bon, moi, je pense que c'est difficile d'être... Moi, je pense que c'est pas possible d'être... Aujourd'hui, oui, parce que tes enfants sont grands. Non, mais même grands, je suis toujours mère poule. Hein. Okay. Ah, je les ai pas lâchés. Hein. Okay. Mais, c'est-à-dire que comme j'étais une artiste déjà de maison, donc je travaillais déjà à la maison... Quand je faisais travailler dans les bureaux, ben, je travaillais dans les bureaux, mais même très vite, on s'est mis à travailler chez nous, de faire du boulot de chez nous. Donc, si tu veux, les enfants, ben, ils étaient avec nous, donc ça ne posait pas vraiment de problème, tu comprends. J'étais une bonne maman, puisque j'étais tout le temps avec eux. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit être une bonne maman d'être tout le temps avec eux, mais en tout cas, en fait, si, enfin, ce qui compte, c'est que le fait qu'il y ait une présence pour les enfants, ils deviennent des mimes, mais au bout d'un moment, bon, presque tu leur enseignes, c'est relatif tout ça. Est-ce que tes enfants font de la musique? Est-ce qu'ils s'y intéressent autant que ta maman? Alors écoute, mais ils se sont intéressés tous les deux, ils ont abandonné tous les deux. Parce qu'ils ont dit que c'était trop dur pour eux. Okay. Ils sont marrants, hein? Ouais. Mais qu'est-ce que ça donne comme impression à la maman? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils ont raison que c'est dur? Ah ben, moi, je ne peux pas les forcer. Okay. Mon fils a voulu que je lui achète une batterie, je lui ai acheté une batterie. Oh. Mais il y avait la place à la maison. Le son, le bruit. Oui, mais bon... Il y avait la place quand même. Moi, j'ai un grand appart. Ouais. Et il n'arrivait pas à... Je lui ai dit, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes le tempo, mon fils, tu vois, et que tu ne bouges pas du tempo. C'est tout ce que tu as à faire. Tu n'as pas grand-chose d'autre à faire. C'est poum, ka, toum, toum, ka, toum, toum, toum, ka, toum, toum, toum, ka, toum, toum, toum, ka, toum, toum. Après, tu préfères un peu de funk ou un peu de rock'n'roll ou de reggae. Et ça, c'était trop compliqué. Mais il fallait qu'il travaille. C'est pareil. Par mon fils, tu vois, il est super. Les gens s'imaginent que c'est parce que tu t'achètes une guitare que tu vas en jouer. Mais ouais, la guitare, c'est ma fille. Elle a commencé à faire quelques accords avec ses copines et puis après, elle a lâché. Je lui ai acheté une guitare, c'est pas grave, c'est moi qui joue avec. Okay. Mais tu vois, par exemple, le coup de la batterie, écoute. Mon fils, il a le problème pas seulement avec la musique, même avec les études, il a le même problème. Il a redoublé à cause de ça, tu vois, parce qu'il est bon, il est en maths, Il est en terminale S, mais il foutait rien. Alors il a beau être bon, s'il bosse pas. Mais... Donc il bosse pas, c'est pareil la musique. Et en plus, qu'il est bon en mathématiques, il aura pu être très bon en musique. Par contre, je suis super heureuse d'avoir légué à mes enfants le goût de la musique. C'est-à-dire qu'ils sont mélomanes. Et mon fils, il a vraiment des références en musique. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme les gamins qui se sont arrêtés. Hein. Comme beaucoup de gamins, ils se sont arrêtés pas seulement au rap, si c'était le old school hip-hop. Ils se sont surtout, ils écoutent de la pop, de l'électro. Ce qui joue à la raison, c'est ça ? Ouais, 10-15 ans maximum, quoi, en arrière. Ils n'ont pas beaucoup de références en dessous. Même en hip-hop, il y a plein de mecs qui ne connaissent pas. Ah ouais. Si on parle de LL Cool J, Queen Latifah. Il n'y a pas très longtemps, Missy Elliott, elle n'était pas connue. T'imagines Missy Elliott, quoi. Attends, c'est pour te dire la culture qu'ils ont, même en rap, excuse-moi, tu vois. Parce que moi, ça ne me dérange pas, du moment que tu as une culture qui est large. On écoute plein de choses en jazz, en hip-hop, en rap. Tu as des époques, chaque époque ramène ses artistes. Je ne sais pas, Tone Loc, tu vois qui c'est, Tone Loc. C'est old school hip-hop de ouf, quoi. Tu vois, c'est de la culture. Hein. C'est une... Bon, voilà, ils ne connaissent pas. En musique black, est-ce qu'ils vont connaître... En plus, j'ai dit le mot black, je m'excuse, parce qu'on dit plus. Non, je déconne. Tu coupes. Il n'y a aucun problème. Au Canada, ils s'en foutent. Au Québec. Voilà, il y a Aretha Franklin, ils connaissent. Oui, mais pas au Canada, au Québec. On est des Québécois, on n'est pas des Canadiens. Je sais. Ah, pourquoi... ah oui, c'est vrai, ouais. Oui. Moi, j'adorerais aller au Québec. Aller faire un show là-bas avec mes potes. Yann, tous mes potes que j'invite pour mes événements. As-tu un groupe qui te suit ? En fait, c'est un sound system. Alors, ce que j'ai fait, si tu veux, j'ai deux projets. Je m'occupe, je produis la chanteuse chez Carabia avec son groupe traditionnel de rail ancien qui constitue deux percussionnistes et deux flûtistes et elle à la voix. Mais ça, c'est un groupe qui demande vraiment plus d'attention et j'ai produit avec sa musique à elle, sa voix. J'ai remasterisé tout, j'ai fait des remixes électro, hip-hop, trap, Deep House. Elle a accepté parce qu'elle sait que c'est pour les jeunes, mais sur scène, c'est pas elle, elle peut pas faire ça. Voilà. Tu vois, donc elle a accepté c'est l'idée. Quoi ça qui va arriver ? Non, parce que c'est pas. Et je peux pas la faire. Mais par contre, elle sait que les jeunes y aiment ça, que ça plaît aux jeunes. Et je lui dis, c'est grâce à ça que j'ai fait connaître son travail à elle et elle en tant que chanteuse, parce que ça marche. J'ai vraiment un feedback avec le peu de moyens que j'ai en tant qu'indépendante. J'ai réussi avec la force de que de moi, presque, et de mes amis, des gens qui m'ont aidé, mais quand même, très peu de moyens, tu vois. Rénal, très, très peu de moyens. C'est vraiment mes propres forces monétaires, etc., quoi. Et aujourd'hui, je suis en train, justement, de bouger tout ça, quoi. Lorsque tu lui fais écouter ce que ça donne, est-elle surprise ou... Bah, écoute, moi, je sais connaître ses goûts. Elle aime sa tradition, donc elle pourra jamais aimer pareil. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas sa culture, enfin c'est pas, ouais, c'est bon, pardon, c'est pas sa culture, la musique électronique. Donc pour elle, ça reste encore quelque chose de elle a une vision, étranger. Pas étranger, parce qu'elle sait que les gamins écoutent du rap, elle écoute tous ces trucs, ils font du R&B, ça reste, elle, ce qu'elle kiffe, c'est vraiment le roots, quoi. Et en même temps, voilà, maintenant on arrive à une époque de sa vie, où elle a envie de, elle, décider totalement. Elle a quand même presque plus que 70 ans, tu vois, donc... Ils ont créé la coopération pour monter dans cette situation. nous ont créé la mondialisation. Et sans expliquer la mondialisation, c'est Babylone qui nous exploite. On en a marre, l'Afrique en a marre. Ça la vie de nos frères ne compte pas pour cette bande de vampires. Stiggy dam da way, stoppons les guerres, gardons la voix faillasse sur tous les chefs d'État qui nous envoient tuer nos brothers. Ils ne nous respectent pas, c'est la même chose pour leur loi. Ils ne regardent même pas quand le peuple réclame ses droits. Ils ne partagent surtout pas l'argent, c'est pas qu'il y en a pas. Ils ne font rien pour nos sisters qui se vendent pour vivre dans ce monde-là. Des généraux aux commandes, on n'en veut plus. Des enfants militaires, on veut plus. Des orphelins de guerre, on n'en veut plus. On en a marre, l'Afrique en a marre. On en a marre, le peuple en a marre. L'Afrique en a marre, c'est machination. Mon peuple en a marre. On a fait l'expérience et c'est ça que je... On a même fait des concerts avec Yann Péchin, on a fait le Danemark avec elle et Yann, on a fait Nictus d'FFF, on a fait la Suède avec elle en groupe de rock électro, les deux. Moi j'étais aux machines et eux ils étaient à la guitare, tu vois. Mais bon, c'est pas son truc. Mais elle a quand même essayé et c'est ça que je trouve extraordinaire chez cette femme. Elle a quand même essayé. Elle a essayé, voilà. C'est ça qui compte. Et sur scène, aujourd'hui, on revient aux routes. Ah ouais, bah oui. Mais il n'en reste qu'on a produit un album avec Nictus d'FFF, que FFF est en train de repartir, là, à la rentrée, ils refont encore le Bataclan. Donc Nictus, c'est le bassiste d'FFF. Ouais. Et que là, on va relancer l'album rock électro qu'on a fait avec Nictus. Ce qui restera, pour promouvoir Rabia, même routes, ça ne change rien. Ça fera que, si tu veux, on sera dans une... Voilà, on va quand même s'en occuper, on va faire un clip. On prépare des images pour ça, puis des images avec Rabia avec son groupe, quoi. Est-ce que tu travailles sur tes projets à toi aussi, solo? Bah là, il y a ça, comme je te dis, et il y a mes groupes. Et j'ai deux groupes, deux concepts de groupes. Ouais. J'ai North Afrobeat, qui est les remixes de tout le répertoire de Rabia, parce que j'ai deux albums que j'ai signés avec elle. Donc, tous les remixes de Rabia, avec aussi des fois Khaled. J'ai pas fait beaucoup de remixes, j'en ai fait qu'un, mais je suis ramené à en faire d'autres. Oh. Khaled et Rimiti, tu vois. Donc ça reste toujours dans l'esprit du raï et de l'Afrique du Nord, c'est pour ça que je l'appelais North Afrobeat. Et puis j'ai fait aussi le cousin là, de ma grand-mère, Raoul Journeau, que j'ai remixé aussi. Donc petit à petit, je rajoute des artistes, mais ça reste le North Afrobeat Project, qui est vraiment un projet avec des... Oui, puis c'est un projet qui... Son nom explique tout ce qui... Tu vois, ouais. Afrique, North Afrobeat, le nom parle de lui-même. Oh, oui, exactement, ça dit tout, ça dit tout. Voilà. Et puis j'ai un autre projet qui s'appelle Shra, qui veut dire Story in a House of Raw Art. Story in a House of Raw Art, qui veut dire tout n'importe quoi. En fait, c'est l'histoire de la musique, c'est l'histoire de toutes les musiques que j'ai aimées, que je joue avec des machines et des guitares électriques. Donc ça peut être des trucs complètement et expérimental totalement. Donc là, on sort du contexte North Afrobeat. Là, on est dans un contexte, ça peut être funk. Expérimental. Ouais, puis... Et c'est ce que tu aimes. Ouais. C'est de toucher. Ben, c'est pas ça, c'est que c'est l'aboutissement en fait, tu vois Reynald, parce que j'ai travaillé longtemps, 7 ans que je travaille sur le projet Arabia, 2-3 ans que je travaille sur le projet électro, et là vraiment je commence à me confirmer, à maîtriser mieux les instruments, les guitares, à me remettre à travailler la voix, la guitare électrique, le piano, le synthé, à travailler avec des machines, comme je faisais pas du tout ça. Maintenant, ça plaît, tout ça. Puis je rencontre des gens qui sont dans l'électro plus jeunes, qui sont branchés par mes idées, avec qui j'ai envie de bosser. Écoute, je trouve ça extraordinaire de voir comment on peut, comment te dire, comment on est, les barrières sautent, tu vois, dans la musique. Oui, puis les barrières générationnelles. Et puis les barrières, les barrières générationnelles, c'est ça qui est extraordinaire parce que les gens sont pas censés savoir ton âge. Si tu leur dis ton âge, regarde, moi, Rabia, elle a 70 ans, moi j'en ai quand même 15, 20 de moins qu'elle, et eux ils en ont 15, 20, 20, 10, 15 de moins que moi, des fois des DJ avec lesquels je travaille. Ouais, mais en même temps, l'âge c'est pas important. Mais des fois plus ? Oh oui, même des fois plus ? Oh, oui. Ah, mais des fois ils ont 25, 30 même, 35, moi ils ont fait 15, 20 ans plus que moi. Et toi, ce qui te réjouit, c'est ça, c'est de communiquer avec tous les niveaux, sans aucune attente. Uniquement avec la musique, c'est la musique. En fait, ouais, exactement, j'ai gardé le côté inconscient punk, je réfléchis pas toujours, ouais, tu vois. C'est ça. Est-ce que t'en écoutes encore, tu penses que c'est... Je pense que c'est de l'improvisation. L'improvisation, c'est quand tu improvises un accord à la guitare. Ouais. Quand tu l'as fait pendant 150 milliards de fois, au bout de la 150 millième minière, ouais, au bout de la 150 milliards unième, ouais, tu ça. Commences à le savoir, le exactement. Truc. Exactement, le fait que tu écoutes de moins en moins de Ah, de musique, de l'époque. Oh, c'est pas que j'écoute de... Non, mais à punk, tu sais que dans l'idée, il y a deux concepts, hein, il y a deux idées. Il y a l'énergie de la musique qui voulait rompre avec le rock trop planant, trop mou, qui durait trop longtemps avec des choruses trop égotiques comme ça. Et aussi l'idée du do-it-yourself, du DIY. Tu vois, le DIY, ça, c'est la démarche. Tu peux faire l'afro-punk, t'as une démarche DIY dans aujourd'hui qui est pas récupéré, qui est réutilisé, qui est réinventé, parce que c'est pas de la récup, au contraire, c'est toujours l'énergie punk qui est d'avoir une personnalité qui se singularise. Tu gardes ta personnalité, tu es autonome, tu n'es pas on n'est pas dans un dogme, on est dans l'expression personnelle de son individualité. Alors pour certains, ça pourrait paraître individualiste, mais je pense pas. Je pense qu'il y a un projet aussi collectif dans le punk qui est vraiment la fusion. Par exemple, dans les concerts, dans l'organisation de fêtes improvisées sous l'influence, par exemple, du concepteur, je l'appelle comme ça, mais c'est pas comme ça qu'il se définit, Akimbe. Dans, voilà, tu vois, c'est dans cet esprit-là, complètement autonome, donc. Temporary autonomous, hein, les zones temporelles indépendantes, qui font que t'es, le punk, c'est ça, ça reste 30 ans après, cette énergie, elle est restée vivante, et elle a hérité de tous les mouvements passés, tu le sais, enfin, je pense que tu es d'accord avec moi, la Beat Generation et le mouvement hippie, c'est dans une logique. Donc, tout ça, c'est lié. Et aujourd'hui, on se pose d'autres questions. Je crois qu'on n'est plus du tout dans la même... On se pose vraiment d'autres questions. Parce qu'on n'est plus dans ce même... On n'est plus dans le même mouvement. C'est-à-dire que le monde a tellement explosé dans la globalité. On ne peut pas avoir la même... On peut pas avoir les mêmes idées. On est obligé d'évoluer, ouais, par rapport à ce qui se passe. Ouais. Il faut réagir aussi. On prend conscience collectivement des désastres écologiques, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est un des premiers enjeux de la planète. Et les gens, malheureusement, ne sont pas toujours réunis collectivement, je parle, au nom de cette recherche. C'est très compliqué ce qui se passe. Et de cette vision-là, on doit travailler à la même vision. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui. Les artistes ne vendent plus autant de disques qu'avant. Même ceux qui vendaient énormément, ils en vendent moins. Ouais. Donc, et quand ils en vendent pas mal, on se dit « Waouh, ils ont fait ça. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup l'activisme qui est en valeur. On demande aux artistes d'exprimer leurs opinions, surtout quand ils ont déjà un following, déjà. Ouais. Et donc, on est amené à écouter toutes sortes de conneries, ou pas, d'ailleurs, d'artistes qui sont censés donner leur opinion. Et en fait, c'est pas eux qui la donnent. Non. Ça dépend lesquels, quoi. C'est très compliqué, tu vois. Après, il y a le côté people. C'est-à-dire les artistes qui font parler d'eux plus que de leur travail, quoi. Parce qu'ils ont... C'est très compliqué. Moi, j'ai toujours été dans quelque chose de très indépendant. Même si on a eu certains succès, Ça, c'est toujours été quelque chose d'indépendant. On n'a pas cherché au départ à faire du fric. Puis après, il y a des voies dans la musique pour plaire à plus de monde, tu vois. Il faut retirer tout ce qui est lourd dans la musique. Donc fabriquer des stars, c'est possible. Je pense que je serais capable de fabriquer des choses commerciales, tu vois. Si j'en avais envie, par simple défi, tu vois. Mais de toute façon, ça passerait par le dénuement pour moi. C'est évident que ce qui est en valeur, c'est la chanson et la voix de la chanteuse ou du chanteur. Je pense que ça m'amuserait de le faire, tu vois. Avec une guitare simple, pour moi, de toute façon, une bonne chanson, c'est une guitare à une chanson et un petit tempo. Ça, c'est clair. Après, quand on est dans la musique expérimentale, dans le design sonore, quand on cherche vraiment à travailler le son, à reproduire avec des machines ce qu'un homme pourrait faire même plus, c'est plus la même démarche. Mais rien n'est dit, tout peut se faire encore. Oh oui, oui. J'ai 10 questions, on va voir où ça va nous. D'accord. Si tu étais un liquide. Si j'étais un liquide, qu'est-ce que je serais? Oui. Je réfléchis ça. Oh. Si j'étais liquide. Un liquide. Je crois que je serais de l'eau. L'eau de mer. Hein. L'eau de mer. Ok. Salée? Bah, l'eau de mer. Ah ouais, salée. Bah oui. Donc on peut pas boire. Non. Mais on peut nager avec moi. Oui, c'est vrai. C'est avec toi. On peut aussi me dessaler. Oui. Et récupérer l'eau. Oui, c'est vrai. Et ça se fait. Oui. On peut arroser l'eau, on peut arroser, je peux sauver la vie comme ça. Ah ouais, bah oui. Eh oui. Si tu étais une belle musique aussi, sauve des vies. Salée. Non, mais c'est vrai, la musique sauve des vies. Non, mais j'aime bien l'eau dessalée. L'eau dessalée, oui, exactement. C'est sûr que l'eau de source, tu vois, c'est, y a quelque chose de pur, beaucoup plus pur. C'est trop facile. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Si j'étais une ville. Alors, si j'étais une ville, alors c'est une question qui n'est pas simple. Je crois que je serais Babylone. Pourquoi? C'est parce qu'elle n'existe plus, Babylone. Non, mais peu importe, on peut réinventer le monde. Parce que dans Babylone, dans la légende, il y avait les jardins suspendus de Babylone. Oui. Et dans la confusion. Il y a un ensemble de Québécois qui en parle. Dans la confusion du langage, Babylone, ça veut dire Babel. Oui, la tour de Babel. La Babel, ça veut dire la fierté des hommes et la confusion du langage. Oui. Marraine like a bomb dom. Listen to the beat of the song. Buzzing in marraine like a bomb dom dom. Beat of the song. Buzzing in marraine like a bomb dom. Listen to the beat of the song. Buzzing in marraine like a bomb dom dom. Twist and shake it to the boogie like. Twist and shake it to the boogie like. Twist and shake it to the boogie like. King. In my head like a bomb dom. Listen to the beat of the song. Buzzing in my head like a bomb dom. Standing alive, we are the King Kong fight. Doing the King Kong jive on the Cabernet Boogie. What's the matter with me? I'm playing like a chicken under the coconut tree. Beat, the beat of the song. Buzzing in my head like a bomb dom. Listen to the beat of the song. Buzzing in my head like a bomb dom. Listen to the beat. en fait, quelque part, je trouve que le symbole, il est tellement fort que il y a un symbole aussi, la Babylone, la prostituée de Babylone, dans l'Apocalypse, selon Saint Jean, je crois, où il parle de cette femme terrible avec je sais pas combien de bracelets d'or, d'argent, de serpents, qui est la tentatrice, la responsable de tous les malheurs des hommes. Ouais, bah cette oui, idée bah me oui, plaît. Bah oui. Mais moi, je serais plutôt la New Babylone, parce que je pense que dans le projet de la confusion des langues, il y a aussi la distinction des peuples, des langages. Et chaque langage, c'est une identité culturelle. Et finalement, ta culture, c'est d'abord ton langage. Avant l'écriture, c'est ta langue. C'est comment ta maman, elle t'a parlé, ton père t'a parlé. Et c'est ça qui définit ton langage. Donc, dans la séparation des peuples, il y a aussi la création de toutes les entités qui existent sur Terre, qui font qu'on est globalement issus de la même racine, mais différents. Oui. Ben, ça m'amuse. De ce que tu viens de dire, ma troisième question, si tu étais une langue... Si j'étais une langue... C'est très... Je pense que... Il y a des chances que je sois l'anglais. Pourquoi? Parce que c'est une langue que je trouve assez simple au niveau de la grammaire. C'est une langue qui groove. C'est ça qui me plaît. Okay. Le français ne groove pas assez. C'est pas que le... Non, le français, Le français, il est élogieux. Le français est une langue élogieuse, éloquente. Okay. C'est une langue qui a été utilisée dans la diplomatie, pas pour rien. Parce qu'elle permet, dans la signification du langage, à exprimer tellement d'idées, des détails, et dans le sens, même sans être une grande experte, ouais. Moi qui ai abandonné l'école si jeune. Je sais, je plaisante. Oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire, oui. C'est pas une langue qui... C'est une langue de chanson, mais c'est pas une langue de rythme, quoi. Okay. Même si elle peut être rythmique, tu vois. C'est pas comme l'anglais. Si tu étais une époque... Ah, ben je serais mon époque. En plein dedans. Dans l'époque. Ouais. Si tu étais un mot... Je crois que je serais juste le mot. Juste? Pas non, justesse, pardon. Justesse? Ouais. Si tu étais un aliment... Fleur d'oranger. Ah non, un aliment, t'as dit. Oui. Le miel. C'est pas un aliment, ça? Ben oui. Ça va faire partie maintenant. Si, parce que c'est un aliment tellement essentiel c'est à vrai. La vie. C'est vrai. Si tu étais une saison. Je serais la fin du printemps, le début de l'été. Ok. Le renouveau? Je sais pas. C'est une inspiration que j'ai eu comme ah, ça. Ah oui, c'est bien. Si tu étais... Un membre corporel. Je crois que je serais le monde Vénus. Ok. Oh, intéressant. Si tu étais un moment de la journée. Faut bien que je trouve quelque chose. Non, mais c'est bien. Si tu étais un moment de la journée. Demain, tu me reposes la question, je vais te sortir autre chose. Ça, on verra l'année prochaine. Donc on se prend pas au sérieux. Non, mais faut pas. La vie est comme ça. On se prend pas au sérieux. Sinon, on se trompe de chemin. Voilà. Alors, je répète, si tu étais un moment de la journée. L'aurore, le matin. C'est l'aurore le matin. Oui. L'aurore. Mais... L'aurore. Hein. Oui. Mais c'est vraiment à la tombée de la nuit, avant même que le soleil, c'est l'aurore. Est-ce que c'est l'heure où tu te lèves ou tu te couches? Ni l'une ni l'autre. T'es debout? Ah, je suis pas debout à l'aurore, moi. Mais j'aime l'aurore. Bah, ça m'est arrivé d'être debout, ouais. Okay. Quand j'ai traversé le désert du Sahara, on était obligé de se lever à l'aurore. Ah oui. J'ai adoré. Sinon, la chaleur. Puis... Ah ouais. À 11h du matin, on s'arrêtait. C'est épouvantable, c'est vraiment... Bah, c'est un autre type de culture, tu peux pas... Tu vis avec le temps, t'es obligé, oui. Le temps... Ah oui. C'est là où on voit la force de notre Seigneur. Si tu étais... si Seigneur il y a... Oui, voilà, c'est ça. Si tu étais un autre individu... De notre Seigneur avec un E, hein, ça peut être une femme. Oui, hein. Ben oui. Comme disait Gainsbourg, Dieu est juif, juif est Dieu. Ouais. Si tu étais un autre individu... Ben, je serais un homme comme les autres. Hein. Ok. comme disait Adèle, moi si j'étais un homme, je serais capitaine. La connais-tu? Non, mais je m'en rappelle d'elle par contre, quand même. Et des chanteurs canadiens. Québécois, pardon, parce qu'en français, ouais, je veux dire, ouais. Québécois. Ouais. Je m'en souviens, il y avait comme il s'appelait. C'est fini les questions là sur si j'étais. J'en ai une dernière, mais c'est pas grave, vas-y. Ah, c'était, j'ai oublié le nom de ce mec vachement cool. J'ai oublié. Mais si tu me le rappelles. Ça dit quoi bah, c'était toutes ces chansons des années 60-70 là. Robert Charlebois. Oui, bien sûr, bah, Charlebois. C'est lui? En 2 juin. Ouais, il y en a eu plein. Ouais. Mais des juins, c'est des pépards. Ouais, ben bah oui, ben bah oui. Ça a commencé sur les plaines d'Amérique. On s'entend très bien avec les Canadiens là-dessus, j'en suis sûr. Ah, pardon, même les Canadiens, je crois. Ah oui, ah. Nous, il y a deux solitudes. Il y a les Français du Québec et les Canadiens de Montréal. Je sais, de Toronto. Du Canada. Ouais. Donc, on est deux solitudes. Ouais, mais bon, pour moi, c'est quand même pas pareil que les Américains du Nord, tu vois. Même les Canadiens anglo-saxons, je les trouve quand même plus relax que les Américains. Ah, tu vois. Tu vois, oui. Neil Young, il est canadien. Oui. J'adore les groupes canadiens de cette époque. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Ah oui. Enfin, le même chemin, tu veux dire, de ma vie? Oui. Il ne faut jamais renier sa vie. À choisir. À choisir, comment tu peux savoir? Ouais, c'est ça. Je suis pas dans les chimères, moi. Ok. Mais bon, si tu peux toujours poser la question à quelqu'un, moi je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. Rien de rien. Comme la chantait la Pia. Je ne regrette rien. Tout le mal qu'on m'a fait. Ça m'est bien égal. Est-ce que tu as des projets, beaucoup de projets? Je suis dingue. Donc je me suis calmée depuis, je me suis soignée. Hein. Ok, pour tes projets? Ouais. Ok. Non, je sais pas. Oui, disons que. Pas être trop mégalo dans les projets parce que sinon tu fais rien de concret, de solide. Donc j'essaie de vraiment me cantonner à ces projets dont je t'ai parlé, musique. Oui. Et ce qui tourne déjà autour, c'est beaucoup de travail parce qu'aujourd'hui je travaille beaucoup sur l'image, sur la vidéo. Je travaille avec un collectif qui s'appelle la Collectif Africada, d'art contemporain africain. Où je collabore, où je participe à des conventions, pas des conventions, à des forums, à des interventions, des performances avec d'autres artistes, tu vois, avec d'autres artistes, avec d'autres disciplines qui touchent pas que la musique. C'est multidisciplinaire. Oui, c'est surtout que ça me fait voyager, ça me fait participer à des événements qui sont pas du tout les mêmes types d'événements qu'on trouve dans le show business. C'est ça. Entre parenthèses, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et ça change complètement la manière de voir ton travail aussi. Non, c'est là. Ouais, qu'est-ce que j'en ai fait? Non, il est pas loin, tu l'as mis dans ta sacoche. Et donc... Ah, il est là. Et donc... qu'est-ce que tu m'as dit avant, mon question? Tu disais, à choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Tu vas dire oui. Oui, je t'ai dit oui. Après, tu m'as posé une autre question sur... Tu m'as dit, on parlait... Non, mais je parlais, si tu avais des projets, si tu vas dire oui, mais... Ah oui, voilà, d'autres projets, voilà. Oui, mais à des... Tu as des projets réalisables et non pas inconcevables. Voilà, c'est ça. Okay. Réaliste. C'est-à-dire qu'en fait... Des projets, tu vois, il y en a de... Quand tu as un potentiel communication qui est fort, avec un réseau assez important, une crédibilité importante, enfin une crédibilité, on va dire, après, il y a ta force de travail ouais. Et ta force d'organisation. Et l'énergie que tu y mets aussi. Ouais, ça va avec l'énergie. Et cette énergie, tu peux pas tout faire. Donc, soit à un moment, tu délègues ou tu partages. Et bon, moi, je suis dans une optique de partage avec les gens qui ont envie de faire des choses. Les projets ici, on va dire, à Paris, sont extrêmement... c'est pas la même énergie que tu peux... Tu déploies pas les projets de la même manière, tu fais pas les projets de la même manière. Ça reste des initiatives très individuelles. Les gens travaillent entre eux. Donc, ils sont pas toujours très ouverts, on va dire, tu vois. Ça reste poli, par contre, très poli, ouais. Extrêmement poli. Moi, je crois que je suis un peu plus mal élevé qu'eux. Okay. J'aurais mieux valu si j'avais su rester de place, se fondre dans le décor. J'aurais voulu si j'avais pu effacer sa trace et enterrer le corps. phénomène. Et c'est bien connu, les uns déçus, les autres se lassent. Ce gonfle de remords. Moi j'aurais voulu, si j'avais pu, changer de place. Déjouer le mauvais sort. Mais dehors il faisait si bon, tu t'en souviens encore que mes jours étaient longs. Et dehors il fait si froid, depuis ça fait des mois que je fais le mal. Voilà, c'est mon côté punk, un peu comme on dit, il y a une expression en hébreu qui ça veut dire chutzpah, ouais. Ça veut dire le toupet, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est pas non plus, je reste avec la politesse quand même, ouais, tu ouais. vois, c'est-à-dire je reste avec le respect quand même, mais il faut avoir un peu de toupet, d'audace, quoi. Dans ce métier-là, oui. Et cette audace, elle nécessite aussi une trajectoire particulière, une aura particulière, t'es pas maître de toutes les forces qu'il y a dans l'univers, contrairement à ce que beaucoup croient. Et pense, c'est, ça dépend pas de la magie comme ça qui tombe du ciel, ça dépend, comme tu viens de le dire, de beaucoup de travail. Et après, t'as ta force, ta détermination à vouloir présenter ça au nom, aux yeux de tous, tu vois. Ça, c'est-à-dire aux yeux de tout le monde et jouer le jeu du spectacle, quoi. On est dans une société de spectacle. Yes, the show must go on, man, you know. Et on est dans une société spectacle, on est dans la société du spectacle. Oui, ben oui. Comme l'a expliqué Guy Debord, notre ami, feu Guy Debord. Il s'est tiré dans le pied, en fait. Le pauvre, il est devenu fou, parce que, ouais. comme tu sais, il avait rejeté les principes du communisme, quand tu connais bien l'histoire. Bien. C'est vachement important d'en reparler. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé, mais à la fin, il devenait dingue. Ouais, ouais. Il était devenu fou, même avec les nanas qu'il a eues. Ouais. Je crois qu'il est il était trop lucide, et puis... Il ne pouvait pas accepter le monde dans lequel... Il savait qu'il avait trop de lucidité. Mais tout ce qu'il a décrit, c'est vachement intéressant. Oui, extrêmement intéressant. Tu sais, des fois, tu lis des philosophes, quand tu lis certains passages de Nietzsche, tu as envie de te suicider. Pareil, bah, c'est pas pareil que Debord. Mais il y a des trucs qu'il a dit... Les derniers de Nietzsche... Ah, mais moi, j'adore. Moi, j'adore. Philosophie à coup de marteau. Non, mais ouais. Sa dernière œuvre. Ah, j'ai pas lu ça, mais quand tu lis, par exemple, Au-delà du bien et du mal, oui, t'as chaque phrase, c'est un coup de marteau. Oui, il y en a une qui mais te c'est dit très l'homme. Punk, comme écriture. Ah bah c'est hyper punk, mais quand il dit, mais il a bien expliqué ce que c'est. Il était pas nihiliste, contrairement à ce que les salopards ont voulu faire croire de lui. Et il était loin d'être un nazi. Non, et il non. critiquait la société à l'époque chrétienne et catholique à cause de l'Église et du pape, bien évidemment, et de la mainmise qu'ils avaient sur tout le reste. Ouais. Et c'était surtout son objectif. Et ils ont récupéré sa sœur, qui était vraiment une personne pas du tout recommandable. Non. Elle aimait trop les nazis. Mais quand il disait l'homme belliqueux en temps de paix se fait la guerre à lui-même. Mais c'est tellement vrai. Il y a des gens, ils peuvent pas s'empêcher de... Voilà, ça leur suffit pas, ils peuvent pas être cool, quoi. Si c'est cool, ben non, faut pas que ce soit cool. Mais Tina, t'es une fille cool. Merci d'être passée à mon émission. On t'écoute et on va se réjouir à ta création et à ton œuvre et à ce que tu peux faire véhiculer à travers les artistes que tu lances avec beaucoup d'amour. Donc, c'est une rencontre éventuelle qui va se passer sans doute à Québec, au Québec, à Montréal. On t'attend. Avec grand plaisir, c'est moi qui te remercie, Rénal. Vraiment, j'ai passé une petite heure super sympa avec toi. Ça fait plaisir, mais on va finir ça avec la cerise. Voilà. Sur le gâteau. Sur le gâteau. Photos, voilà, photos. La photo. Okay. Merci. Merci à vous, merci à toi. Ben, ça fait plaisir. T'as coupé, là? Oui. Non, mais là, c'est coupé, là. Oui, attends. Ah, tu continues jusqu'au bout, toi? Oh, là, j'ai coupé. Alors, tu la rates pas, celle-là. Non, mais j'en perds plusieurs. Ok, on va choisir. Flash là-dedans ou quoi? Oui, tout est là-dedans. Ah, ouais. Ah, ouais. C'est un mini studio. Parfait. T'attends qui? Tu bouges de barre, là, c'est ça? Comment? Non, on y va. Ah, tu veux te mettre en arrière-plan, toi? Ok. Semi-profil, ok. Tu garderas la meilleure? Ben, toujours. Elles sont toutes bonnes. Elles sont toutes bonnes? Oui. La dernière. Ah, c'est Nikon, quand même. Ok. Oui. Passe. Nikon Isumi. Sérieux? Nikon Isumi? Non, parce que j'ai un site sur la photo. On va regarder les photos, là? Ah, tu veux les voir? Ah, tu ne les montres pas. Je te fais confiance. Ok, parfait. Ben, tu fais bien. Tu vas bien. Mais non, mais celles-là qui sont bien, tu me les gardes. Hein. Ah oui, mais tu les... Dis-moi, t'as pas mon mail. T'as pas mon téléphone. Ben, et il faut que je t'en... Non, mais tu vas laisser ton téléphone. Oui, mais t'as pas mon mail. Ok. Mon vrai mail. Et t'as pas... Écoute, mon disque et mes trucs que je vais t'envoyer. Ok. Voilà. Ok. On t'envoie tout ça. Je vais te laisser ma carte. Ah, c'est génial, t'as ta carte. Hélas, j'ai pas de carte sur moi. Non, c'est pas grave, je vais te laisser mon courriel. Je vais t'envoyer ça, là, d'accord, super. Mon courriel, c'est Rénald, comme mon prénom, Québec, comme ma ville, en commercial, hotmail.com, mais je peux t'envoyer mon adresse physique, OK, sur Facebook, si tu veux m'envoyer... Ah, tu veux pas, OK, je peux t'envoyer ça. Donc, je peux aussi t'envoyer l'adresse... Ah, t'es anarchiste comme moi? Oui, c'est prophétaire. Et ce que je voulais dire, c'est que je peux... Il n'y a pas de hasard. Non. Franchement. Ah non, je crois pas au hasard. C'est pour ça que j'achète aucune loterie, je crois pas au hasard. Eh! Je laisse ça au camp. Tu connaissais la phrase de Einstein sur le hasard? Oui! Génial! Le hasard, c'est quand Dieu vient incognito. Oui. C'est un peu ça pour moi, le hasard. C'est Dieu incognito, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Rien n'est hasard. Quand il m'arrivait des trucs, je te jure. T'attends quelqu'un, là, hein? Non, peu importe, c'est à 3h30. Ah bah c'est bon, moi aussi j'ai un rendez-vous à 3h30, figure-toi, j'ai un rendez-vous aussi, mais on va aller... Ici? Oui, mais j'ai fait exprès, parce que j'ai un rendez-vous avec un photographe après toi. Ok, mais qui vient prendre des photos ici? Non, en fait c'est un premier contact, okay. Pour voir si je pourrais faire des photos avec lui. Ok. Parce que j'ai besoin de faire plein de photos de moi, et je n'ai pas... J'ai besoin de rencontrer les photographes avant, j'ai besoin d'avoir du feeling avec la personne. Ok. Donc, C'est vachement... D'accord, ça c'est ta carte. Ton numéro, tu me l'as donné, ton numéro. Ouais. C'est ton numéro québécois que j'ai. Hein. En fait, c'est planétaire. Moi, c'est ça, québécois. Ouais, que je sois Québec ou n'importe où. C'est ça, ouais, voilà. C'est ça. Et si tu veux avoir mon adresse physique dans mon studio, ben, je peux te l'envoyer sur Facebook. Non, parce que quand je serai en... Tu vas m'envoyer... Si je t'envoie un truc physique, je te prends. Ok, mais tu vas m'envoyer tes chansons à travers un site que j'ai accusé. Voilà. Excellent. Voilà. Excellent. Ok. waiting yet. Destination set. I dare you to be proud, to dare to shout. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.